et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dubrier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 31e épisode, coup de théâtre sur le pré. Beauchamp, si vous êtes encore mon ami, aidez-moi à retrouver la main qui a porté le premier coup, cet ennemi invisible. Soit. Vous me rendez la vie. Non, attendez. Je ne dis pas que ce soit réalité, mais c'est au moins une lumière dans la nuit. Quoi donc ? À Janina. J'ai été tout naturellement chez le premier banquier pour prendre des informations. C'est ainsi que j'ai appris que 15 jours auparavant, il avait été interrogé sur le même sujet par un banquier de Paris, son correspondant. Son nom ? Le baron d'Anglars. Lui ? Mais oui, depuis longtemps, il poursuit mon père de sa haine jalouse. Lui, l'homme prétendu populaire, ne peut pardonner au comte de Morcerf d'être pair de France. Et cette rupture de mariage, sans raison donnée. Oui, c'est bien cela. Oh, il me paiera tout ce que j'ai souffert. Prenez garde, Morcerf. C'est déjà un vieil homme, agissez prudemment. Avant la fin de cette journée, si Danglars est le coupable, il aura cessé de vivre. Ou je serai mort. Pardieu, Beauchamp. Je vais faire de belles funérailles à mon honneur. Le même jour, 23 juillet 1838, dans l'après-midi, le jeune vicomte se rend chez le banquier. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Vous entrez chez moi sans vous faire annoncer et en forçant les portes. Que me voulez-vous, monsieur de Morcerf ? Vous proposez un rendez-vous dans un coin écarté où personne ne nous dérangera pendant 10 minutes. Perdez-vous la raison ? Monsieur, si ma fille n'a pas jugé... Vous vous trompez, baron. Il ne s'agit pas de votre fille, mais de mon père. Et alors ? Est-ce ma faute si votre père est déshonoré ? Oui, misérable, c'est de ta faute. Décidément, vous êtes fou. Est-ce moi qui ai conseillé à votre père de vendre les châteaux de Janina ? D'où vient la révélation ? Il me semble que le journal le dit. De Janina. Qui a écrit à Janina pour demander des renseignements sur mon père ? Vous ! Il me semble que lorsqu'on marie sa fille, on peut prendre des renseignements sur la famille du jeune homme. Vous avez écrit sachant parfaitement la réponse qui vous viendrait. Moi ? Je vous jure bien que non. Alors, quelqu'un vous a poussé à écrire ? En effet. Qui ? Votre ami. Le comte de Monte Cristo. Monsieur, vous accusez le comte ? Je n'accuse personne. Je raconte. Monsieur de Monte Cristo savait-il que le nom de mon père était Fernand Mondego ? Oui, je le lui avais dit. Par ailleurs, quand le lendemain de la réponse, votre père est venu me demander officiellement la main de ma fille, j'ai refusé, c'est vrai. Mais sans explication, sans éclat. En quoi l'honneur ou le déshonneur de monsieur de Morcerf m'importe-t-il ? Cela ne faisait ni hausser ni baisser la rente. Albert, c'est à monsieur de Monte Cristo que vous devez demander une explication. Vous avez raison, Beauchamp. Monsieur, je ne prends pas encore de vous un congé définitif. Il me reste à savoir si vos inculpations sont justes. Et je vais de ce pas m'en assurer chez le comte de Monte Cristo. Ma mère, est-ce que vous connaissez quelque ennemi à monsieur de Morcerf ? Les gens dans la position de votre père ont beaucoup d'ennemis. Rien ne vous échappe. Vous avez remarqué, le soir du bal que nous avons donné, que le comte de Monte Cristo n'a rien voulu prendre chez nous. Mais quel rapport cela a-t-il ? Le comte est presque un homme d'Orient. Et les Orientaux, pour conserver leur liberté de vengeance, ne mangent ni ne boivent jamais chez leurs ennemis. Monsieur de Monte Cristo, notre ennemi ? Mais il vous a sauvé la vie. En vérité, Albert, vous me parlez étrangement. Que vous a-t-il donc fait? Il y a 2 jours, vous étiez chez lui, en Normandie, et vous le regardiez comme un ami. Allons, mon fils. Laissons cela. Et venez vous installer près de moi. Vous me tiendrez compagnie. Ma mère, je serais à vos ordres si une affaire pressante et importante ne me forçait à vous quitter toute la soirée. Pardonnez-moi. Madame la comtesse a besoin de moi? Oui, Félix. Monsieur Albert sort pour la soirée. Je veux que vous le suiviez et reveniez me dire où il va. Allez. Tiens. Bonsoir, monsieur de Morcerf. Nous ne venons pas ici pour échanger d'hypocrites politesses. Nous venons vous demander une explication, monsieur le comte. C'est pourquoi Château Renaud et Beauchamp m'accompagnent. Une explication à l'opéra? Il faut bien s'adresser aux gens là où on les rencontre. Je ne suis pas difficile à rencontrer, car hier encore vous étiez chez moi. Hier, monsieur, j'ignorais qui vous étiez. Vous ne me semblez pas jouir de tout votre bon sens. Pourvu que je comprenne vos perfidies et que je parvienne à vous faire comprendre que je veux m'en venger, je serai toujours raisonnable. Bien, bien. Vous me cherchez querelle, je vois cela. Mais un conseil, vicomte. C'est une coutume mauvaise que de faire du bruit en provoquant. Le bruit ne va pas tout le monde. Monsieur! Je tiens votre gant pour jeter. Maintenant, sortez. Ou j'appelle mes domestiques et je vous fais jeter dehors. Mais que lui avez-vous fait? Moi? Rien. Personnellement, du moins. L'aventure de son père exaspère sans doute le malheureux jeune homme. Et c'est par idée que la chambre des pères a été instruite de la trahison du comte. À cet esclave grec que j'ai aperçu chez vous et dont la fille d'Ali Pacha? Oui. Mais que ferez-vous d'Albert de Morcerf? Je le tuerai demain, avant 10 heures du matin. Comte, comte! Entrez. Ah, monsieur Beauchamp. Monsieur le comte, je suis venu pour régler les conditions du combat. Cela m'est parfaitement indifférent. Dites à votre client que, quoique insulté, je lui laisse le choix des armes. De toute façon, je suis sûr de gagner. Sûr de gagner? Par un mot chez moi, indiquez-moi l'arme et le lieu et l'heure. Je n'aime pas me faire attendre. Au pistolet à 8 heures du matin, au bois de Vincennes. Bien. Excellence, il y a une dame qui attend monsieur le comte dans le petit salon. Une dame voilée. Bien, merci, Baptistin. Qui êtes-vous, madame? Edmond! Vous ne tuerez pas mon fils. Quel nom avez-vous prononcé là, madame de Morcerf? Le vôtre. Que seul, peut-être, je n'ai pas oublié. Edmond, ce n'est pas madame de Morcerf qui vient à vous. C'est Mercedes. Mercedes est morte, madame. Mercedes vit. Et elle se souvient. Elle vous a reconnu au seul accent de votre voix. Et elle a su tout de suite d'où partait le coup qui frappait le comte de Morcerf. Fernand, voulez-vous dire? Puisque nous en sommes à nous rappeler nos prénoms, rappelons-nous-les tous. Vous voyez bien que je ne me suis pas trompée. Épargnez mon fils. Et qui vous a dit, madame, que j'en voulais à votre fils? Je l'ai suivi ce soir à l'opéra et j'ai tout vu. Alors vous avez vu que le fils de Fernand m'a insulté publiquement? Mon fils vous a deviné. Il vous attribue les malheurs qui frappent son père. Ce ne sont point des malheurs. C'est un châtiment. Mais que vous importe à vous, Janina et son vizir? Rien, en effet. Aussi, tout ceci est-il une affaire entre l'officier français et la fille de Vasiliki. Si j'ai juré, moi, de me venger, c'est du pêcheur, Fernand Mondego, mari de la catalane, Mercedes. La coupable, c'est moi. Moi qui ai manqué de force contre votre absence et mon isolement. Vous étiez prisonnier. Mais pourquoi étais-je prisonnier? Je l'ignore. Eh bien, je vais vous le dire. J'étais prisonnier parce que la veille du jour où je devais vous épouser, un nommé Danglars avait écrit une lettre que le pêcheur Fernand se chargea de mettre à la poste. Cette lettre, la voici. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire Le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne après avoir touché Naples et Porto Ferraio, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de ce crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. Oh, mon Dieu! J'ai acheté cette lettre 200 000 francs. Mais c'est bon marché encore, puisqu'elle me permet aujourd'hui de me disculper à vos yeux. Et la conséquence de cette lettre a été mon arrestation. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis resté 14 ans à un quart de lieue de vous, dans un cachot du château d'If. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque jour, j'ai renouvelé le vœu de vengeance que j'avais fait le premier jour. Et cependant, j'ignorais que vous aviez épousé Fernand, mon dénonciateur, et aussi que mon père était mort de faim. Juste Dieu. Oui. Voilà ce que j'ai su en sortant de prison, 14 années après y être entré. Et voilà ce qui fait que, sur Mercedes vivante et sur mon père mort, j'ai juré de me venger de Fernand. Et je me venge. Êtes-vous sûr que Fernand a fait cela? Sur mon âme. Oh. Pardonnez, Edmond, pardonnez. Pour moi qui vous aime encore. Impossible, madame. Quand je vous appelle Edmond, pourquoi ne m'appelez-vous pas Mercedes? Mercedes. Mercedes. Oui. Ce nom m'est doux encore à prononcer. Et voilà la première fois depuis longtemps qu'il retentit si clairement au sortir de mes lèvres. Mercedes, il faut que je me venge. Car pendant 14 ans, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai maudit. Vengez-vous sur les coupables, alors, sur lui, sur moi, mais ne vous vengez pas sur mon fils. Edmond, depuis que je vous connais, j'ai adoré votre nom, j'ai respecté votre mémoire. Ne me forcez pas à ternir cette image noble et pure, reflétée sans cesse dans le miroir de mon cœur. Je vous ai cru mort. Hélas, que pouvais-je pour vous sinon prier ou pleurer? Moi aussi j'ai bien souffert. Mais avez-vous senti mourir votre père en votre absence? Avez-vous vu la femme que vous aimiez tendre sa main à votre rival, tandis que vous râliez au fond du gouffre? Non, mais je vois celui que j'aimais prêt à devenir le meurtrier de mon fils. Que demandez-vous? Que votre fils vive. Eh bien, il vivra. Oh. Merci, Edmond. Te voilà bien tel que je t'ai toujours aimé. Maintenant, je puis le dire. D'autant mieux que le pauvre Edmond n'aura pas longtemps à être aimé par vous. Le mort va rentrer dans la tombe. Le fantôme va rentrer dans sa nuit. Que dites-vous ? Puisque vous l'ordonnez, Mercedes, il me faut mourir. Mourir ? Ne supposez pas qu'outrager publiquement. J'ai un instant le désir de vivre. Ce que j'ai le plus aimé après vous, Mercedes, c'est ma dignité. Cette force qui me rendait supérieure aux autres hommes. Cette force, c'était ma vie. D'un mot, vous la brisez. Je meurs. Mais ce duel n'aura pas lieu puisque vous pardonnez. Il aura lieu. Seulement, au lieu du sang de votre fils, ce sera le mien qui coulera. Non ! Non. Edmond. Il y a un Dieu au-dessus de nous, puisque vous vivez, puisque je vous ai revu. Et je me fie à lui du plus profond de mon cœur. En attendant son appui, je me repose sur votre parole. Mon fils vivra, n'est-ce pas ? Il vivra, oui, madame. Edmond, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Vous saurez que si ma beauté est perdue, que si Mercedes ne ressemble plus à elle-même par les traits du visage, elle a toujours le même cœur. Adieu, Edmond. Je n'ai plus rien à demander au ciel. Je vous ai revu aussi noble et aussi grand qu'autrefois. Adieu. Et merci. Insensé. Le jour où j'ai résolu de me venger, de ne pas m'être arraché le cœur, elle s'est souvenue qu'elle avait un fils. Et moi, j'ai oublié que j'avais une fille. Pauvre idée. Je ne puis mourir sans la confier à quelqu'un. Je lègue à Maximilien Morel, fils de mon ancien patron, Pierre Morel, armateur à Marseille. La somme de 20 millions, dont une partie sera offerte par lui à sa sœur Julie et à son beau-frère Emmanuel. Ces 20 millions sont enfouis dans ma grotte de Monte Cristo, dont Bertuccio sait le secret. Si son cœur est libre et qu'il veuille épouser Aïdée, que j'ai élevé avec l'amour d'un père, il accomplira mon dernier désir. Le présent testament est déjà fait. Aïdée, héritière du reste de ma fortune, consistant en terre, rente sur l'Angleterre, l'Autriche et la Hollande. Mobilier et d'armées différentes. Je viens trop tôt peut-être, monsieur le comte, mais je vous avoue franchement que je n'ai pas pu dormir une minute. J'avais besoin de vous voir fort de votre courageuse assurance pour redevenir moi-même. Morel, C'est un beau jour pour moi que celui où je me sens aimé d'un homme comme vous. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, comte. Vous venez donc avec moi tous deux. Mais si j'avais tort... Je vous ai regardé hier, pendant toute cette scène de provocation. J'ai pensé à votre assurance, cette nuit. Et je me suis dit que la justice devait être pour vous, ou bien qu'il n'y avait plus aucun fond à faire sur le visage des hommes. Merci, Morel. Tiens, Ali, fait porter cela chez mon notaire. C'est mon testament, Morel. Moi, mort, vous irez en prendre connaissance. Comment cela, vous, mort? Ne faut-il pas tout prévoir? Oui, bien sûr. Ah, j'ai retrouvé Beauchamp à Château Renaud hier soir après le théâtre. Oui, je vous avoue que je l'ai cherché. Mais pourquoi faire, puisque tout était convenu? Maximilien espérait faire changer les armes, substituer l'épée au pistolet. Oui, le pistolet est aveugle. Avez-vous réussi? Non. Non, car on connaît votre force à l'épée. Les maîtres d'armes que vous avez battus vous ont trahi. Et qui ne m'ont jamais vu tirer au pistolet. Comte, au nom du ciel, ne tuez pas Albert. Le malheureux a une mère. C'est juste. Moi, je n'en ai pas. Vous êtes offensé, comte, et vous tirez le premier. J'ai obtenu cela. À 20 pas. Je ne compte plus que sur votre émotion pour sauver Albert. Moi, ému? Ou sur votre générosité? Je n'ai pas besoin d'être encouragé à ménager M. de Morcerf. Je vous annonce d'avance qu'il sera si bien ménagé qu'il reviendra tranquillement avec ses deux amis. Tandis que moi, on me rapportera, moi. Allons donc. C'est comme je vous l'annonce, mon cher Morel. Morcerf me tuera. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela, comte? J'ai vu un fantôme. Et ce fantôme m'a dit que j'avais assez vécu. Il est 7h05. Partons. Le rendez-vous est pour 8h juste. Pardon, messieurs, mais je n'aperçois pas Monsieur de Morcerf. Il nous a fait prévenir qu'il nous rejoindrait sur le terrain. Messieurs, le comte de Monte Cristo renonce au droit qu'il avait de se servir de ses pistolets. J'ai apporté des armes que j'ai achetées il y a quelques jours, croyant que j'en aurais besoin pour une affaire pareille. Elles sont parfaitement neuves et... C'est Franz et Debray. Vous? Mais oui, Morcerf nous a fait prier de nous trouver sur le terrain. Voilà le vicomte, suivi de son valet. Merci, messieurs, d'avoir bien voulu vous rendre à mon invitation. Je vous suis plus que reconnaissant de cette marque d'amitié. Plus il y aura d'hommes d'honneur ici, plus je serai satisfait, car j'ai deux mots à dire à monsieur le comte de Monte Cristo. En particulier? Non, monsieur, devant tout le monde. Messieurs, je désire que pas un mot de ce que je vais avoir l'honneur de dire à monsieur le comte de Monte Cristo ne soit perdu. Car ce que je vais lui dire doit être répété par vous à qui voudra l'entendre. Monsieur le comte, je vous reprochais d'avoir divulgué la conduite de monsieur de Morcerf en Épire. Car si coupable que fût mon père, je ne croyais pas que ce fût vous qui eussiez le droit de le punir. Mais aujourd'hui, je sais que ce droit vous est acquis. Ce n'est point la trahison de Fernand Mondego envers Lipacha qui me rend si prompt à vous excuser. C'est la trahison du pêcheur Fernand envers vous. Ce sont les malheurs inouïs qui ont été la suite de cette trahison. Aussi, je le proclame tout haut. Oui, monsieur, vous avez eu raison de vous venger de mon père. Et moi, son fils, je vous remercie de n'avoir pas fait davantage. Maintenant, si vous trouvez que les excuses que je viens de vous faire sont suffisantes, Votre main. Je vous prie. Messieurs, le comte veut bien agréer mes excuses. Ma faute est réparée. J'ai fait ce que ma conscience m'a ordonné de faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Monte Cristo déshonore le comte de Morcerf et il a eu raison aux yeux de son fils ? Pauvre Mercedes, quel courage tu as eu. Toujours la providence. C'est aujourd'hui seulement que je suis certain d'être l'envoyé de Dieu. Messieurs, venez Morel. Vous aussi, monsieur Emmanuel. Albert, permettez-moi de vous féliciter. Voilà un dénouement inespéré à une pénible affaire. En effet, c'est magnifique de pouvoir conserver sur soi-même un empire aussi grand. Assurément. J'en eusse été incapable. Messieurs, je crois que vous n'avez pas compris qu'entre M. de Monte Cristo et moi, il s'est passé quelque chose de grave. Si fait, si fait. Mais voulez-vous que je vous donne un conseil d'ami ? Partez pour Naples, La Haye ou Saint-Pétersbourg, pays calme, où l'on est plus intelligent du point d'honneur que chez nos cerveaux brûlés de Parisiens. Une fois là, faites pas mal de mouches au pistolet et infiniment de contres de cartes et de contres de tierces. N'est-ce pas, Château-Renaud, que j'ai raison ? C'est parfaitement mon avis. Rien n'appelle les duels sérieux comme un duel sans résultat. Merci, mes amis. Mon intention était de quitter la France. Je vous remercie également du service que vous m'avez rendu en me servant de témoin. Il est bien profondément gravé dans mon cœur, puisque, après les paroles que je viens d'entendre, je ne me souviens plus que de lui. Adieu. Que voulez-vous, Florentin ? Monsieur le comte de Morcerf m'a fait appeler, mais je n'ai pas voulu me rendre à son appel sans prendre les ordres de monsieur. Pourquoi cela ? Parce que monsieur le comte sait sans doute que j'ai accompagné monsieur sur le terrain. C'est probable. Et il va m'interroger sur ce qui s'est passé là-bas. Que dois-je répondre ? La vérité. Que la rencontre n'a pas eu lieu ? Et aussi que j'ai fait des excuses à Monsieur le Comte de Monte-Cristo. C'était Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 31e épisode, Coup de théâtre sur le pré. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Mercedes, Martine Sarcey. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Le baron d'Anglard, Alain Mottet. Franz Despinay, Jean-Pierre Leroux. Beauchamp, Philippe Mercier. Château-Renaud, François Marié. Emmanuel Raymond, Luc Ponette. Lucien Debray, Gilles Guillot. Félix, Daniel Russo. Baptistin, Jacques Maire. Florentin, Gérard Thirion. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 24 novembre 1980. Vous pouvez le télécharger, ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre demain à la même heure.